Émission radio du Forum International. Bon, eh bien, bonjour, chers auditeurs, c'est la quatrième émission. Et nous avons une participation, la participation du génial Kim Saka. Excusez-moi du peu. Donc, si vous ne connaissez pas Kim Saka, ou si vous les connaissez, il faut aller sur http.kimsaka.free.fr, ou alors avec deux K, hein, Kim Saka, sinon comme ça se prononce, ou taper Kim Saka sur Google. K-I-M-S-A-K-A-T. Donc, sinon, donc nous avons sa participation. Un document sonore, n'est-ce pas? Et je vais vous le faire écouter tout de suite. Après l'arrivée de Sarah à Paris et sous sa dépendance directe. Jean-Pierre Boyer à Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy. Et août 1920. Paris, le 22 juillet 1988. Cher Juif Finkielkraut, cher Juif Lévy, vous dites qu'aujourd'hui on ne peut plus distinguer entre un poème de Saint-Jean-Perse et un pot de yaourt Maninova. C'est un grand malheur. Mais je vous demande alors, malheureux Juif, comment allez-vous faire désormais pour distinguer entre l'innocent gage de ville et le terrible diplôme B. Peut-être le journal Globe le sait-il. Je vous prie d'agréer, cher Juif Finkielkraut, cher Juif Lévy, les salutations distinguées. Oberdada égale Sturmführer Voyer. La date d'extinction totale de Dada. Donc voilà, alors, comme vous l'avez entendu, c'est la lettre récitée par Kim Saka, la lettre de Jean-Pierre Voyer, un célèbre, enfin non pas célèbre, intellectuel français, qu'il a adressé à Alain Finkielkraut, un autre, et Bernard-Henri Lévy, deux autres fameux intellectuels français, il faut le dire, qui passent souvent à la télévision, d'ailleurs, contrairement à Jean-Pierre Voyer, ce qui est compréhensible. Vis-à-vis de la situation intellectuelle et politique française. Sinon, voilà, c'était donc cette lettre récitée sur un autre document d'ADA, comme vous avez pu le comprendre. Et voilà, c'est tout pour cette émission. Merci de votre audience, de la participation de votre oreille, donc de votre esprit à cette émission. Je vous remercie. Il est 21h38, la vie est belle.